Ok, tout le monde est correct? Oui. Ok, on va y aller. Hello, Martin. On va voir comment ça. Je sais pas. C'est ce matin. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème, ici Frédéric Barbouchier en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred, belle énergie, j'aime ça. Je te remercie Antoine. Belle confiance. Toi aussi, Jean-Philippe Durand. Fred, je te trouve lumineux aujourd'hui. Antoine, même chose pour toi. Et toi donc? Je trouve que t'as pris du bien. Et toi aussi, mon gars. J'ai pas peur de le dire. Et Mathieu Boubouillon. Vos douces lumières m'éblouissent de jour en jour. Wow. J'hésitais entre ça, puis coin, c'est un cadavre. Je pense que j'aimais mieux le troisième. Chou. Alors, pas de problème, c'est quoi, Antoine? Alors, on invite les gens à nous soumettre leurs problèmes, de quelque ordre qu'ils soient, scientifiques, personnels, psychologiques, physiques, et nous tentons, fins renards que nous sommes, de trouver des solutions plus ou moins farfelues, mais toujours intéressantes, Frédéric. D'accord. Je suis pas d'accord. J'ai lu un article récemment sur un suivi de Maude Laurier depuis qu'elle a gagné le prix. Oui, de comment changer le monde avec le moins d'efforts possible. Gagner ça, ça a changé sa vie. Wow. Elle capote. Elle a tout laissé. On est au Honduras maintenant. Voyons donc. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là? De l'aide humanitaire. Elle propage la bonne nouvelle. Tous les gens là-bas disent « Tabar plot ». Oui, ils disent vendredi, peut-être. Vendredi. Ouais. Messieurs, nous avons un problème cette semaine. Merci. Qui nous vient d'une charmante dame qu'on a connue sûrement dans le circuit de l'improvisation. Qui se nomme Hélène Martin. Salut Hélène. Messieurs, voici mon problème. J'aimerais avoir un majordome, un genre d'Alfred comme dans Batman. Ai-je besoin de le préciser? Seulement, c'est très dispendieux. Pouvez-vous m'aider? C'est bon, ça. C'est un bon problème. C'est excellent. Oui. Excellent. Michael Caine est un acteur que j'aime beaucoup. Ah, il est vraiment bon. Il est correct, hein? As-tu vu ses vidéos sur comment jouer à la caméra? Non. Fascinant. Ah ouais? Écœurant. On trouve tout ça aussi avec le gars qui se fait rentrer un ballon d'un couille directement force. Côté, même c'est nombre ça, de c'est ça, dans le même les, paquet. Les intellectuels crient au génie pour les deux. Ouais. Non, mais les vidéos de Michael Caine sont débiles, sont sur YouTube en plus, c'est possible de les voir, tout ça, puis c'est vraiment très bon. Sur la retenue, sur le ton, tout ça, c'est impressionnant. Wow! Puis il avait joué, c'était avant la trilogie, c'était un petit vieux. C'est un petit vieux, on ne sait pas trop c'est qui, les cheveux blancs, des petites lunettes rondes. Puis dans la série télévisée? C'était tellement flyé que c'était sûrement, j'imagine, un clown en lycra. Non, mais c'était comme des vedettes tout le temps. Là. Ouais. C'est... Mais peut-être pas pour vieux. Ouais. Donc, Michael Caine, ça risque d'être compliqué. Ceci dit, il a joué dans des films un peu moyens, j'imagine, pour pas de très grande fortune. Oui, il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Moyen. Il dit, moi, c'est un film sur deux. Il accepte tout, ce gars-là. C'est un peu comme Samuel Jackson, mettons. Là. Puis, tu sais, c'est drôle, Antoine, on en a parlé tantôt. Il y a des choses que tu acceptes des fois. Tu fais, ça, c'est fait, je le sais que ça va passer dans le beurre. C'est vraiment fait pour payer le chalet. Puis, il y a d'autres affaires. Tu te dis, ça va être assez bon pour faire effacer les trois mauvais films que je viens de faire. Fait que lui, c'est un peu ça, son affaire. Donc, il y aurait moyen peut-être de le piéger dans une production. Ça veut dire que Guy Lepage serait rendu à faire 6 bons films. Exact. Ouais. Ben, je pense que l'APAD 2, il y a vraiment des bonnes attentes là-dessus. Ben, il paraît que ça marche fort en Asie du Sud-Est. Ah ouais. Oui? Même pas. Mais tu sais pourquoi? C'est bon la piste que tu as dit du cinéma, embarquer Michael Caine comme ça. Peut-être dire que Manon Briand réalise un film chez Hélène Martin ou c'est juste Hélène Martin qui mange des pâtes, disons. That's it. Puis, mon gars. Pourquoi pas? Puis il sert Hélène, dans le fond. Oui, c'est ça, exact. Oui. Pourquoi pas? Bon, I will get it out of my system. Bon, Edith Butler. Ça ne doit plus trop être cher, hein, là, avoir ça chez eux. J'imagine que non. Hey, garde, là. Depuis là, l'échec. Voulez-vous que je fasse à manger? Oh mon Dieu, c'est un mélange de Norman Bratwine et Christian Essien. Non, c'était l'imitation faite par... Michel Deslauriers. Oui, ah! Merci. À la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Ah, mon Dieu. Ouais, c'est aussi son imitation, imitation de Pauline Marois. Oh, ah, souvenez-vous parler. Mais là, monsieur, c'est pas le fun. Ah oui. Non, mais elle fait aussi Anne-Marie Lozic. Ah oui. Tu sais, ouais. Oui, mais elle a quand même fait Tibrin. Elle a bercé notre enfant, oui, hein, Michel Deslauriers. Ouais. Par la bande, peut-être avoir un majordome. Oui. On sait par exemple que les Desmarais. Oui, j'ai de voir ça. Oui, les sont en quête d'un majordome d'expérience. Exactement, majordome d'expérience, 10 ans d'expérience. Ben oui, pour organiser banquets, fêtes, tout ça. Donc ça prend quand même. Ils ont tellement d'argent qu'ils pourraient prendre quelqu'un qui peut jouer ça, comme Paul Doucet, mettons. Il serait bon là-dedans. Ah, il serait bon. Il laisserait la paix dans d'autres. Ouais. Nous là, les gars qui ont l'air de rien là. Ouais, c'est ça. On aimerait ça. Les ordinaires. Maudit casting, tasse-toi. Mais tu vois, là, il demande de travailler 40 heures par semaine, d'être disponible les fins de semaine dans le coin de Charlevoix. Mais ce gars-là va bien habiter quelque part. Tu sous-loues une chambre ou si je ne connais pas les conditions. Mais les Desmarais vivent sur une île privée dans le Saint-Laurent, c'est ça? Ils ont le domaine Sagard aussi. C'est ça. Fait que peut-être qui est un énorme domaine de Versailles, une copie de Versailles. Là. Mais tu peux faire une maison plus loin. Ça serait là-bas. Oui, mais tu sais, lui, il habite à Charlevoix puis il va travailler là 40 heures par semaine. Mais il habite chez vous. T'as quand même un majordome sous ton toit. Oui, c'est peut-être. Ça. T'sais, moi, je pense qu'il y a moyen de s'arranger. T'sais, il est logé, nourri. Là. Ça doit pas être si cher que ça. Là. Mais non. Si tu t'invites, tu deviens l'invité des Desmarais. Oui. Bing, t'sais. Donc, devenir l'invité des gens riches. Parce qu'on dit majordome, il y a quand même au Canada une mode des gens pas si riches que ça qui ont des nannies philippiennes, des gens comme ça. Ils embarrent leur passeport dans un coffre-fort et leur font part avec des règlements. Ils ne payent pas, là, ils nourrissent. Puis, c'est incroyable. Ils font le ménage puis tout ça. Puis ils font non, tu peux pas sortir tout de suite, tu n'as pas le droit. Il y en a plusieurs. Donc, c'est possible. Il faut juste arriver à mentir à des gens démunis, sans argent. Exact. Il y a eu des grands majordomes dans l'histoire du cinéma quand même. Tim Curry dans Clue, qui est le meilleur personnage de majordome au monde. Dans Mr. Deeds aussi, là, c'était très bon. Ouais. Ah, non, c'est vrai, je me trompe. C'était, comment il s'appelle? John Turturro? Exactement. Oui. Il faisait le majordome comique. Ouais. Moustache pointe. Bruce Lee n'était pas majordome, lui, dans Green Hornet, la série télévisée. Ah, oh, je il sais était pas. Chauffeur. Ah oh, ouais, OK. Ouais. Chauffeur. Un chauffeur. Un chauffeur, ça peut aller très loin. Chauffeur, oui. Oui, comme John Statham, c'est ça? Jason Statham. Jason. Ouais, Statham. Statham. Excusez, je l'aime dire. Non, moi, je parlais d'un autre. Oui, finalement, ça change tout. C'était pas Jason, c'était Marco, moi, je pensais. Ouais, c'est ça. Okay, non, ouais. Mais lui, quand il chauffe, il fait beaucoup de choses. Ah oui? Oui, oui, le transporteur, il tue du monde. Il fait des cascades. C'est pour ça qu'il est engagé. Il paraît que commençait même le montage du film. Je pense qu'il faut diviser son majordome. C'est une femme de ménage qui vient une fois par semaine. Ouais. Qui est quand même abordable. Je pense qu'il y a différents services qui s'offrent là, pour un deux revenus, une famille qui ça peut donner un petit coup de main. T'as ça. T'as le gars qui vient s'occuper de ton gazon une semaine sur deux. T'as ton petit helper qui vient réparer de temps en temps ton immeuble. Ta cuisinière. Tu finis par avoir un majordome. Là. De la même manière qu'on a un concierge dans un triplex, disons. Là. Pas dans un triplex, mais un plus gros immeuble, il y a ça. C'est juste que ça a été modifié avec le temps, parce que dans le temps, ces immeubles-là étaient des maisons de riches, tout simplement, j'ai l'impression. Moi, j'ai une idée. Tu peux cuisiner. Mettons, là, pour faire du chemin sur les Desmarais, là, Hélène, elle pourrait les appeler et dire... Écoutez, moi, là, j'ai une expertise en jugement de majordome. Je vais prendre des candidats à l'essai à la maison. Fait que mettons qu'elle se fait une cédule là, qui peut durer 6 mois, tu sais, qu'elle teste du monde. T'sais. Devenir entraîneur de majordome. Oui, ouais. S'ouvrir une école de majordome. Puis c'est chez vous. Tu fais, c'est chez vous, les stages. Mais madame, c'est pas pire, ça. Je ne travaillerai pas dans un 4,5. Ah oui, ben mange donc de la crise de marbre. C'est ici que tu pratiques. Major Dole. Pour pas cher, Tammy et moi, par exemple, en couple, on se fait parfois des petits jeux de rôle pour lancer. Ben, tu fais, OK, ce soir, je suis à ton service. Tu me dis ce que tu veux, massage, écoute. Mais tu fais tout avec enthousiasme. Écoute, ouais. Ça coûte pratiquement rien. Hein? Ah oui, je vous connaissais les deux, vous ne devez pas vous niaiser. Pas en tout. Non, ça, pas fonctionne, avoir des ça fonctionne très bien. Je suis toujours heureux d'être au service. Arrête! Ouais. C'est une petite soirée spéciale, une fois par mois. Il y a une larme qui coule. Madame se fait traiter par le majeur d'homme. Ma foi, du... on dirait une nouvelle érotique de Lily Gulliver. Le majeur d'homme, c'est bon comme si c'était du porno. C'est bon, hein, arrêtez, non, on va pas là. Ouais. Du service non, que voilà. Du doigté. Non, voilà. Non, mais tu sais, on se divise les temps. Il calfeutre tous les trous. En groupe. Oh, pardon, oui. Il y a moyen. Ben non, non, c'était fini. C'est pour conclure ma proposition de rotation. Tu sais, tu te lâches aller à la gang pendant une semaine, tu vas être tellement responsable d'un souper, mais tu fais, mais il y a un majordome par jour. Oui. Ça te prend une grosse famille, puis beaucoup de gens winning. Mais tu sais, elle veut quelqu'un de top, là. Ça avait l'air de dire, tu sais, comme Alfred dans Batman, dois-je préciser. Ah, là. Ben oui, mais tu sais, il y a moyen de faire la transition simplement, calmement. Hélène, j'imagine, a une bonne job quand même, là. Oui, elle est directrice des secondaires en spectacle. Ah, ben écoute, c'est une super job. Ben oui, mais elle peut trouver du cheap labor en plus. C'est ça, mais ça veut dire qu'elle est capable de se payer un appart tout seul, disons. Oui. Donc, c'est possible qu'elle prenne un étudiant, qu'elle fasse visite mon coloc. Ça te coûtera rien. Étudiant secondaire. Elle ne fait pas faire des affaires érotiques ou quoi que ce soit. Ouais. Elle fait juste dire. Pas de majeur d'homme. Là. Non, non. Pas de majeur d'homme. Mais, tu sais, elle dit tu restes là. Puis, je vais juste te demander de faire des petites tâches supplémentaires. Si jamais tu te fais des pâtes, fais-moi-en aussi. Ouais. Des choses comme ça qui sont assez simples en échange de loyer. Puis aussi, elle peut y donner du linge. Elle peut dire regarde, je t'ai acheté ça. Puis, elle donne un beau costume, mettons. Wow. Puis, elle y refile du linge de temps en temps. Avec un monocle, puis une redingote. T'aimes-tu ça, un monocle? La transition se fait normalement. Sur Twitter, on a Stéphanie, notre plus grande Stéphanie Perrault, ouais. Fille à problème, qui nous donne l'ancien majordome du pape condamné pour vol de documents confidentiels sera probablement bon marché à sa sortie de prison. Ah oui. Oui, le pape lui a déjà pardonné, imaginez. C'est fort, hein? Il est comme ça, lui. Ça n'a pas été long. Confiant. C'est comme ça. Et belle idée, un criminel. Mm-hmm. Non, c'est sûr, moi je pense que tu vas chercher des gens en prison. Ah oui. Oui. Comme premier emploi à leur sortie de prison, on va être très heureux. Je sais pas si Hélène est fermée à l'idée d'avoir une femme majordome, mettons. Majordome. Je peux pas croire. Mathieu, c'est absurde. Oui. Majordome. Parce que tout le monde sait que les femmes, sont payées beaucoup moins cher déjà pour économiser. Tu ris, Fred, mais il y a encore un écart, même ici. Mais oui, Québec. je sais. Mais je sais que tu le sais et qu'on en profite tous. Non, mais le but, c'est pas d'en abuser. Oui. Yes! C'est ça. Yes! C'est ça. Faut pas que ça change. Mm. Ouais. Ground major control to majordome. Bon, ben, on l'a pas abordé encore, mais on en parlait lors de la réunion de pré-prod. C'est-à-dire la minute où on s'ouvre une bière avant. L'épisode de Seinfeld, où après un accident de char, un gars n'est pas assuré et devient le butler de Jerry Seinfeld. Oui. Parce qu'ils sont arrivés pour pitcher une émission, puis on dit notre idée, c'est qu'on n'a pas d'idée. Ouais. Puis là, on dit non, ça passe pas. Puis là, ils font. Ok, ben, play un de quoi? The butler. He's my butler. Ah, quelle époque. Ouais. Mais, majordome, je sais pas, mais habiter chez un majordome. Oh. Tu disais tantôt, là, mais. Être le majordome du majordome. Mais faut pas qu'il y ait de famille, ces gens-là. Non. En cinéma, ils n'ont jamais de famille. Ouais, c'est ça, ils habitent là, eux autres. Ils s'en vont toujours avec une petite valise. T'sais, pis sont, fait que c'est des hommes nobles, mais tu sais. Oui, Fait que si t'es le majordome d'un majordome, t'es le minordome, je pense. Ça se peut, ça. Et là, ça va faire. Ça va faire. Mais être le sous... non, mais tu sais. Mettons qu'elle, elle fait les lits chez les Desmarais. Ouais. Il y a un majordome. Ben oui, nécessairement. Mais l'invité, tantôt, moi, je trouvais ça, être l'invité de quelqu'un de riche... Surtout, les invités sont encore mieux traités, je pense. Ouais. Oui. Ça se peut bien, oui. Mais c'est bon, ça ferait être l'invité de quelqu'un de très, très riche, oui. Voir aller le majordome, puis en offrir plus. Oh. Moi, je peux pas t'offrir plus d'argent, mais c'est juste que tu vas être vraiment bien chez nous. Je te demanderai pas grand-chose. Puis finalement, quand il arrive, il l'a pas, il est là. Fait que là, t'es vraiment méchant avec, finalement. Tu mets le paquet. Ah, tu mets le paquet. Il doit rester un peu de membre de la royauté à marier. Mm-hmm. Ouais. Se retrouver. Ouais, sûrement. Un vague prince galeux. Là. Comment ça marche au niveau du sang là-bas? Dans la royauté, disons, là, c'est comme les Amérindiens, puis ils en perdent à chaque génération qui descend, tout simplement. Peut-être, Je sais pas, hein, c'est une espèce de. Moi, je sais que comme des... c'est direct du roi. Mais ça, non, ça vient de l'extérieur aussi. Ouais. Ben, je sais pas, là, il y a toute une liste de succession. La liste est déjà prête. Si on parle d'Angleterre. Oui, écoute, il y en a 8 déjà. Là, là c'est Prince Charles, puis après ça, c'est ses deux fils, l'autre gars, nanana, le duc de je sais pas quoi. Là. Ouais. Les jumelles au sein. Les fils, les frères. Parce qu'ils ont fait un film là-dessus. Je sais pas comment ça marche. Comment? Parce qu'ils ont fait un film là-dessus, puis ils ont dit ben beau. Là, oui, mais tu pognes quelqu'un dans la liste, puis tu dis, ah ouais, toi, viens-t'en. Oui, oui, oui, ouais, c'est clair. Même celui au bout de la liste. Là. Ouais. Dieu et son âme, la princesse. Ouais. Là. Ben, elle a eu un majordome à un moment donné, elle. C'était une fille d'écurie. Bing! Quoi? Bing! Bing! D'un fesse. Elle s'est fait ruer d'un fesse. Non, dans le fond. Bing! Peut-être qu'Hélène pourrait mettre une télé par pièce dans son appartement qui joue toute Downtown Abbey en loop. Oh! Puis à un moment donné, elle va entendre des majordomes de temps en temps, elle va avoir l'impression que ça se passe chez eux. Puis tout ça, c'est pas ben oui. Ben, tu vas à l'hôtel de temps en temps. Tu peux avoir un petit feeling. Ouais. T'appelles le room service. Oui. Le futur. Apportez-moi. Le futur, Hélène. T'as vu Rocky IV? Quand... Le robot. Le robot. Ouais. Quand, comment il s'appelle son chum, son beau-frère? Il y a un nom bizarre. Je sais pas. Et il donne un robot. Ouais. Pour Noël. Je suis d'accord. Ouais. Polly. Oui, il donne un robot à Polly. Ouais. Et c'est le futur. Moi, je pense que le majordome. Il s'en fait pas mal au Japon quand même des robots. Ils peuvent transporter des personnes âgées. Ouais. Il y a aussi des animaux. Comme des petits singes qui sont entraînés pour aider des gens handicapés. Oh, wow! Ça me ils sont capables de répondre à quelques commandes. Ils vont me chercher un coke, blablabla. Ouais. Un autre épisode des Simpsons. Puis si tes habits en matelot sont vraiment. Si tu l'habilles en majordome. Oh, un petit capucin, majordome. Il coûte quasiment rien, mais t'es capable de faire quelques affaires, là. Va me chercher ça, va me chercher la manette. Change le poste. Gratte-moi ici. Il y a tellement d'exemples dans les Simpsons. Tu penses à la poupée de Krusty dans le spécial d'Halloween. Oui. Oui, mon gros. Le dédoublement de personnalité. Mm. Mettons qu'elle devenait elle-même majordome. Quand elle se voit dans le miroir, elle se chicane. Oui. Et puis après un accent britannique, là, ouais, ça pourrait être bon. Oui. Ouais. Je me suis fait des egg rolls. Ça marche toujours, cet accent. Oui, hein? C'est ça qui a sauvé la part des anges, je pense. Mon Dieu. Oui. Et qui fait qu'ils sont en 16e saison. Oui, hein, vraiment. Non, je me trompe. Avec Ricardo. Oui, 16e saison de présenter que ça n'a pas encore repassé. Stéphanie, nous avons une autre solution sur Twitter. Attendre de voir un deal sur Twango ou Groupon. Oui. Oui, c'est vrai. Très, très bon, ça. Des bonnes chances que ça fonctionne. Que nous, eBay, peut-être. Peut-être, mais quelque chose genre. Je ne sais pas s'ils ont le droit de vendre. Non, hein, pas des services. Ouais. Non, mais Craigslist peut vendre des services. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des petites annonces avec des gens, ça c'est vrai, là, tu sais, qui veulent être, mettons, des esclaves soumis. Ouais! Mais ça, c'est drôle. Tu sais, elle leur dit, tu sais, genre, je vais te runner dur. Ah, c'est capoter. Parfait, ça, Mathieu. Mais finalement... passer par le kinky, puis toujours retarder le moment. C'est ça. Dominatrice. Ça s'en vient, ça s'en vient. Fait une lasagne, ça s'en vient. Goûter. Mais le pire, c'est ça, là, tu sais, le gars, il veut se faire marcher ses gosses, là. Mm. Mais d'abord, il veut faire tout. Il veut faire des lits. Là, tu sais, non, mais c'est ça que tu veux, être confronté à toi. Va-t'en, viens ici demain à 8h. Ouais. Sors l'évidence. Ah, moi, c'est ma préférée jusqu'à maintenant, Mathieu. Je vais te niaiser pendant 16 heures. Non, mais il y a du monde qui veut se faire. C'est leur trip sexuel de se faire. 50 Shades of Tâches Ménagères. Exactement. On l'a. Et ce livre-là, je suis sûr qu'il va être un best-seller. Tout le monde va se masturber dans le bain. Comme les madames. C'est ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'était pas dans le bain. C'est un beau geste, Antoine. Il faut arrêter de criminaliser là, un geste comme ça, surtout chez la femme, s'il te plaît. Surtout chez la femme. Moi, j'aime ça, une femme mûre là, qui me dit « Ce soir, j'ai rendez-vous avec quelqu'un que j'ai trop délaissé. » Puis de comprendre, est-ce qu'elle va se crosser. Elle a un petit whistiti déguisé en majordome. C'est avec elle-même qu'elle fait ça. C'est avec elle-même qu'elle fait ça. On salue nos jeunes podophiles. À l'écoute, la gang. Ce soir, là, j'ai rendez-vous avec quelqu'un que j'ai... On vous rappelle que si vous avez moins de 18 ans, il faut demander à vos parents pour écouter Pas de problème ou pas le dire. OK, on continue. Oui. Majordome. Okay, majordome. Majordome. Alors, majordome. Majordome. Majordome. Majordome. Superdome. Oui, on l'a. Chris, oui, qu'elle aille à Saint-Louis. Ben oui, on va voir des affaires de motocross au Superdome. Ou peut-être au Thunderdome. Au Tina Turner, chante encore. Mel Gibson. Ouais. Bon. We don't need another hero. Hey, j'ai essayé d'écouter un Mad Max, autrefois, c'était insupportable. Ah ouais, j'ai jamais vu. J'ai rien. Il y a trop de sable. Je suis pas écouté. C'est Dune, ça. Oh. Ouais, tu te trompes. Je me mets. Du sable un peu. Là-dedans. Ouais. Manque de sens. Ouais. T'es Tank Girl. Ah oui. Hey, ça, c'était dingue avec Laurie Petty. Oh. Le seul film un peu de Rachel Talalay, la même qui a fait Freddy 6, qui a fait Tank Girl. Hey, on dérape. Quelle horreur. Bref. Et ben. Oui. Ben, tu sais, habiter chez ses parents, là, ouais. Ça finit, t'es un peu un majordome, là. Ouais, mais tu payes cher. Ouais. Ah, tu payes cher, moi. Ouais. Puis tu te sens pas mal, toi, après, quand tu pars de chez tes parents, puis. Non. Tes parents ont tout fait, non? Autant j'aime mes parents, autant je trouve que ça coûte cher, ça. Ouais. Ben, moi, c'est une fois par année aussi que je vais chez mes parents. Il doit bien avoir des pays où l'esclavage est encore permis. Bingo, oh, ouais. Je n'osais pas en parler, ouais. J'attendais que quelqu'un parle. Mais quel pays, sans joke? Non, mais ils doivent le tolérer à quelque place, là, je peux pas faire. Ouais, j'avoue. Ouais. Tu sais, là, même genre les vedettes là, qui ont des assistants personnels, là, c'est des vrais bitches, là, ce monde-là. Là. Ouais, mais si t'es payé, je veux dire, ouais. ça excuse pas là, certains comportements. Non. Mais si tu as payé 100, 200, 300 000 par non, année, mais où ça ressemble? La monnaie t'arrête, t'es pas obligé d'être là. T'sais. Sans avoir un esclave, tu vas une fois de temps en temps dans un pays où ça coûte vraiment moins cher, puis tu te fais pouponner. Mais c'est ça, tu disais tantôt, faire venir les... Ouais, c'est ça, ou aller dans cet endroit-là. Mais non, c'est parce qu'ici, tu sais, quand même, là, tu peux pas payer en bas du Tu peux ne pas les payer, Fred. Ouais, mais non, mais tu sais... Faire miroiter la citoyenneté canadienne, je m'en occupe, vous pouvez pas sortir dehors, vous comprenez pourquoi. Tu vas voir le jeune, tu fais, « Hey, toi, que 5 ans, combien qu'il te paye pour faire des Nike? Oui. 5 cents? Je te paye 6 cents. » Et t'es mon majordome. Ouais. Puis t'as un assistant, c'est un petit singe. Pourquoi? Je sais qu'Hélène... Par la job. Hélène veut quelqu'un de plus vieux, parce qu'elle veut l'image un peu de celle qu'on connaît. Ouais. Mais pourquoi elle n'aurait pas un enfant, le priver un peu du monde extérieur, puis faire comme si c'était ça la réalité, tu sais. Ouais. Comme une aile, mais pas énervante. Non, c'est ça. Qui rend des services. Mais si elle veut vraiment le look plus vieux, là, je suis convaincu qu'elle pourrait aller dans des foyers de personnes âgées. Oui, hein. Ah, ils vont dire qui oui, oh, la main. Compagnie, qui veulent s'occuper, qui font. Mais mon seul désir, c'est de parler. Te parler de mon histoire. Oui, parle avec mon petit singe. Oui, mais la balayeuse est bien bruyante. Ouais. Mais tu sais, si elle ne veut pas payer cher aussi, c'est facile d'exploiter un aigle. Négociateur qui serait pas bon pour négocier. C'est la son pire, salaire. Mathieu, c'est la pire, ça. Là. Ça, là, c'est la pire au monde. Mon Dieu. Non, ça, là. C'est la pire. Ça cogne à la porte, puis j'espère que c'est pas la Ligue des Noirs. Ben là, mais un négociateur, là, qui ben, s'appelle... Il a refait. Mais en couleur, c'est là, la que pire, c'est ça. Mathieu, c'est la pire. C'est la pire deux fois. C'est la pire. Je peux pas croire. Hey, le malaise. Ça frappe à la porte, puis je pense que c'est Louise Richer. Hey. Tu viens t'engueuler pour ta job. Oui. OK, merci. Bon, arrête de checker le temps, Antoine. Je check pas le temps, je regardais la qualité de... N'oubliez pas de... Professionnalisme, s'il vous plaît. Ça se passe des deux côtés. Ouais. Ah, c'est vrai, excusez-moi. Merci. De rien. Bon. Souligne-le pas, Jean-Philippe. C'est un cercle. Bon. Ça, c'est un service, ça finit plus. Fait qu'avez-vous une solution préférée, autre que... Non, je leur dirais même pas, j'ai honte. Dominatrice? Ouais. Ça, c'est fort. Ouais, hein? Mais il y en a qui est je pense qu'il y en a qui précisent dominatrice, pas de cul, là, tu sais. C'est, ouais. Non, tu me toucheras pas, je juste, tu sais, au pire, tu y fais manger ton caca une fois de temps en temps. Oh, Dieu! Au pire! Non, mais tu sais, tu t'informes là-dessus, tout ça. Il doit y en avoir, là, qui vont accepter c'est facile. Sûr. C'est sûr. Hey, moi, j'aime tellement pas ça. C'est sûr nettoyer que ce soit toujours... la toilette avec une brosse à dents. Il faut que ça reste toujours dans l'attente. Ouais. Comme s'il allait se passer de quoi, mais il se passe rien. Ouais. Il faut que tu niaises la personne sans arrêt. J'avais poigné de quoi, moi, l'émission Kink. Là. C'était dégueulasse. C'était un très, très vieil homme pervers là, qui avait des chevaux. Mais les chevaux étaient, mettons, des femmes dans la trentaine puis dans la quarantaine. Tu sais, qui se promenaient comme des chevaux puis qui s'humiliaient seins nus avec des cravaches comme des chevaux. Mm. Puis genre, ça me repose de ma vie stressante de secrétaire plate. Tu sais, comme... Ah, ça, c'est ce qu'il y avait avant « Alors on jase ». Oui, Kink, oui. C'est ça. Ouais. C'est un intermède. Ouais. Ça remplace la grosse minute. Oui. Ouais. Il doit avoir plusieurs niveaux de kink. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, mais le pire, c'est qu'elle serait peut-être même payée. Oui, c'est ça. Pour exact. Avoir son agenda. Faire de la crustade au pot. Très étrange. Puis tu sais, tu fais regarde la photo. Hey, je t'ai dit, regarde-moi, mon esti. Je veux que tu ressembles à ça. Trouve-toi un sou de même. Vieillis. Maintenant, je veux que tu aies une face en mythe de baseball. Oui. Tu vas te faire des lignes blanches en dessous des yeux pour les ombres. Oui. Des points rouges. Puis la photo, c'est la photo d'Edith Butler. Oui, exact. Exact. Ouais, ça, c'est sûr. Je peux-tu vous préparer quelque chose à dîner? Mais c'est plus préparer, tu sais, il y a le R. Préparer quelque chose à dîner. Pocketville. Et on c'est se revoit malade. Tout le monde à la semaine prochaine. Ah, c'est drôle. C'est malade. Ah, Philippe Lagu. Magique, mon gars. Je crie pas encore assez fort pour ça. Mais voilà, donc vos solutions préférées, vous, écrivez-nous-les. Hein? Oui, envoyez donc. Ouais. LinkedIn. Hey, j'ai oublié, j'en parle la semaine prochaine, je pense. On a un nouveau commentaire sur iTunes. Ah. Ça fait longtemps qu'on vous a pas dit de voter pour nous. Cinq ou rien. Hein? Cinq ou rien. Vous ne trouvez pas bon? Votez pas. Ouais. Vous ne trouvez bon? Cinq. That's it. Ouais, parce que moi, j'ai peur que le podcast de la charrette remonte un peu. La charrette arrête plus là. Arrête d'en parler. C'est médium large maintenant. Moi, je dis qu'elle va pas. Pour moi, on va être correct. Ouais, Antoine, tu le files. Ben, je sais pas. Médium large, c'est pas mauvais, là. Mais je pense qu'on va être correct. Oh, OK. J'ai confiance en ta confiance. Oh, yes. Voilà. Man. Château de cartes. I feel like a woman. Bam, bam, bam. Suivi d'un plongeon. T'es belle, t'es fine, t'es belle. Tu t'en rappelles, hein? Quelle époque. Ah, incroyable. On est allé voir les Internationaux plongeons, puis moi, puis à chaque fois qu'il y avait une Canadienne, c'est cette chanson-là. Man, I feel like a woman. Comme 8 fois de fil. Là. Ouais. Et là, il va avoir la nouvelle émission, hein, que c'est comme le plongeon parfait, mais c'est des gens qui font pas de plongeon qui vont plonger. Benoît, ça va être malade, ça. Avec un mur qui avance? Je sais pas trop. Okay. Ah, ça va trop loin. Voilà, on a toutes autres choses à dire. Merci de nous suivre. Oui, merci. On dit pas assez. Merci Boali Bolo. Ben oui. Quel gars sympathique. Ouais. Oh, ouais, quel accueil aussi. Là. C'est ouais, tout le monde, sa famille est là. Quel son. I will kill you. Le mot de la fin paraît dit. Oui. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine!